Et voilà. Numéro 146. Les besoins dans la vie développent la volonté. En d'autres termes, on veut parce qu'on a besoin de quelque chose. Et puis, tous les besoins qu'on a ne se résolvent pas nécessairement avec l'idée de répondre à notre besoin, mais plutôt avec l'énergie qui est, pour moi, simplement une mise en vibration qui permet de cumuler une puissance d'action qui, éventuellement, se place dans un rapport de force avec un blocage qui va effectivement vous faire la mesure de ce qu'il faut mettre pour obtenir la résultante de vos besoins. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la volonté. Donc, ça suffit pour dire qu'on veut, ça suffit un obstacle. Et ça suffit évidemment une solution devant l'obstacle. Ce qui est lié, souvent ce qui est lié à une sorte d'étude de l'événement ou de la situation. Et ça suffit évidemment une direction. Et dans cette direction-là, une énergie que moi, j'associe beaucoup à la mise en vibration. Et on peut pas parler d'énergie s'il n'y a pas quelque chose qui vibre. Et là, vous allez me dire, ouais, mais si j'ai besoin, nécessairement, mon besoin devrait établir le fait que je le vibre. Non, c'est vibrer un besoin puis répondre à un besoin, c'est deux choses différentes. Bon, vous avez un portrait de, comment je dirais ça, du planning, d'une expression de la volonté qui découle en général d'un besoin. Vous voulez pas sur quand vous avez pas de besoin. Il y a nécessairement quelque chose qui se colle à un besoin pour que vous décidiez de vous, pour décider, c'est une façon de parler, mais que vous ayez un mouvement vers un vouloir faire. Et j'applique sur le vouloir faire. Vouloir faire, c'est pas idéationnel. C'est pas une idée qu'on a de faire quelque chose. C'est une action qu'on fait à partir du besoin. Et évidemment, l'ego a besoin de comprendre ce qu'il fait. Donc, c'est de là l'importance que les gens accordent à comprendre, en pensant que comprendre, ça va être suffisant pour faire. Et malheureusement, c'est là qu'est tout le gros de l'obstacle. C'est que comprendre, c'est la moitié du chemin. Et l'autre moitié du chemin, c'est dans le faire en vibrant. Et non pas le faire parce que vous avez une compréhension des choses. Je veux faire comprendre dans le fait de vouloir, exemple, on prend de manger. Vous avez besoin de manger, vous mangeriez des céréales, un bol de céréales. Comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, ça fait pas mettre le bol sur la table, les céréales dedans et le lait qui est nécessaire pour manger les céréales. Basique, hein? Et là, si tu dis, tu comprends-tu ce que tu as à faire? Personne va dire, ben oui, j'ai juste à aller chercher une boîte de céréales, du lait, un bol, une cuillère, puis that's it. Puis quand est-ce que tu le fais? Ben, je sais pas, là, je le comprends, donc ça devrait pouvoir se faire. Tu sais, le fait de le comprendre, c'est ce qu'on appelle la fameuse pensée magique, là, tu sais. Tu comprends, ça va se faire parce que tu comprends. Le gros problème des gens qui sont dans un développement de conscience, c'est qu'ils mettent beaucoup d'énergie à comprendre, puis pas assez d'énergie à vibrer l'action, donc à se placer dans une situation d'action. Ce qui fait que ça fait des grands parleurs, des petits faiseurs. Donc, des gens qui sont dans la tête tout le temps et qui sont pas capables de rentrer dans un champ d'activité. Et moi, ces gens-là, je les appelle les philosophes, les contemplatifs. Et quelques-uns réussissent à vibrer le minimum et à faire le maximum. Rares sont ces gens-là, très rares, mais la plupart des gens préfèrent le caractère, on va dire, contemplatif de la vie que le caractère hyperactif ou proactif de la vie. Et là, vous allez dire, oui, mais il y a des gens qui agissent beaucoup, qui ont beaucoup de volonté à se maintenir, comme on dit, devant l'obstacle, puis à charger l'obstacle tant qu'ils peuvent. Le gros problème, souvent, de ces gens-là, c'est qu'ils comprennent pas ce qu'ils font. Donc, ils vont venir, « Daniel, as-tu des recettes? » Des recettes, oui, j'en ai, mais es-tu capable de le faire si je te donne la recette? Si je te donne la recette pour changer ton flat sur l'autoroute, quand tu viens de passer une bordée de neige incroyable, ça ne veut pas dire que parce que je te l'explique que tu vas être capable de le faire. Donc, il faut effectivement comprendre, ça c'est sûr, mais il faut le faire. Puis il y a des gens qui ont une capacité de faire, mais ils n'ont pas une capacité de comprendre. Puis il y a des gens qui ont une capacité de comprendre extraordinaire, mais ils n'ont pas de capacité de faire. Bon, la solution, c'est que si tu n'es pas capable de le faire, il fallait faire. Puis si tu ne comprends pas, ben fais-toi l'expliquer jusqu'à temps que tu comprennes. L'évolution, c'est un mélange de ces deux aspects-là. Parce que dans l'évolution, il y a beaucoup d'obstacles. Les obstacles sont nécessaires pour l'évolution. Puis je me souviens de Bernard qui disait tout le temps, pas de choc, pas de conscience. Pas de crise, pas de conscience. Ça, c'est plutôt pas de crise, pas de conscience. Fait que c'est pas qu'il faut une crise qu'on crée ou qu'on cherche, mais c'est que la vie, c'est une sommation de défis qui nous place en situation de crise. Et puis, moi, j'appelle ça, dans mon langage, des tests. Bon, c'est perçu comme négatif. C'est nécessairement négatif parce que c'est un obstacle. Puis un obstacle, l'objectif de l'obstacle, c'est de te mettre dans un climat d'inertie devant la solution et devant le fait de sentir qu'on est capable de passer à travers l'obstacle. Bon, c'est correct que vous ayez des pensées négatives, correct dans le sens que ça vous permet d'avoir une évaluation de l'ampleur de l'obstacle. Mais c'est aussi bien correct de savoir la solution qui est nécessaire, puis l'énergie, à quel niveau d'énergie vous avez besoin de vous appliquer à émettre pour traverser l'obstacle. C'est pas l'obstacle qui est le problème, c'est comment tu vas t'y prendre pour le traverser. Moi, je suis pris avec des obstacles de ce temps-ci qui est lié au phénomène du déménagement. Moi, je pensais, tu arrives avec un truck, tu remplis ça, puis banjo, c'est fini d'une journée. Oh, pélaire! Depuis le 31 décembre que je déménage. Hey, on est rendu au 22 janvier. Là. Écoute, bonhomme, il y a quelque chose que tu n'as pas fait ou tu dors trop. Il y a quelque chose que vraiment, c'est un obstacle. J'ai compris une chose en parcours, c'est que j'ai passé ma vie à penser que j'étais capable de tout faire tout seul. Et là, je me rends compte que j'ai une dépendance monumentale, pas seulement pour les chats, mais j'ai une dépendance à me faire aider pour pouvoir vivre ma vie. Là, t'sais. Au même titre que je suis bien content que vous soyez dans ça, parce que là, je commence à être à court financièrement, parce que, bon, ça coûte cher déménager. Et puis, vous êtes là. Vous m'aidez à déménager en me donnant un salaire, tu sais. Et il y en a qui m'aident, je les échange ça pour des services. Puis, j'ai besoin des autres. Au même titre que si vous autres, vous êtes dans une crise d'indépendantisme aiguë, bien, vous allez avoir à prendre contact avec des obstacles que vous ne serez pas capable d'affronter tout seul. Peut-être tout simplement parce que vous n'avez pas l'énergie, donc vous vibrez pas, vous vibrez à votre maximum, mais vous n'avez pas ce qu'il faut pour pouvoir rompre le problème de l'obstacle. OK? Combien il en faut? Ben, il faut tout ce qu'il faut pour qu'il y ait assez d'énergie, pour qu'il y ait une volonté de traverser l'obstacle. Ça peut être donc 2, 3, 4, 10, 20 personnes qui veulent traverser avec toi l'obstacle. Vous me suivez jusque-là? Bon, là, vous allez dire, ouais, mais c'est pas facile d'avoir du monde comme ça. Ben, c'est à toi de pas penser tout seul. Moi, j'ai été longtemps à penser que je pouvais tout faire tout seul. Ben, là, moi, vous dire, j'ai 65 ans dans 2 semaines, puis, hop, là, pas capable de rien faire tout seul, là. Plus capable. Je m'en vais m'isoler dans Saint-Ouen-Ouen des Meumeux. Ça dit que les communications, téléphone, Internet, là, ça commence à peser l'eau. J'ai comme une obsession à garder contact avec du monde que je connais, puis une autre obsession qui vient de me faire des contacts là où je reste. Vous me suivez? Pourquoi? Parce que vouloir individuellement, c'est une mesure de l'ego par rapport à une situation qui est un besoin. Et puis, c'est bien simple, quelqu'un n'est pas capable de se faire la cuisine. Il est donc condamné à aller au restaurant. Quelqu'un n'est pas capable de réparer son auto. Il est condamné à être dépendant d'un mécanicien. Alors, regardez tous les champs de compétences que vous n'avez pas dans la vie, que vous pouvez comprendre à lire des livres, que vous pouvez comprendre de la nécessité de connecter avec des gens qui peuvent résoudre vos problèmes. Si je dois un vétérinaire juste avant la conférence, bon, ben, tu sais, il y avait un chat qui avait une masse dans les oreilles. Ça commence à m'inquiéter. Je vais voir le vétérinaire, puis elle m'a coûté 63 piastres, me dit, j'ai jamais vu ça, monsieur. J'ai dit, tu vas me faire payer parce que tu n'as jamais vu ça. Ben, je vais le montrer à un autre vétérinaire, puis je vous rappellerai lundi. Puis là, en attendant, je te paye 63 piastres pour me faire dire que tu n'as pas de solution. Wow! C'est dur pour c'est dur pour mes besoins. Parce que là, j'ai besoin et j'ai une volonté de régler le problème. Mais la personne que je consulte n'a pas les ressources et n'a pas la compréhension pour pouvoir m'aider à vouloir faire quelque chose. Là, je sens une injustice. Fait que lundi, elle a besoin de trouver une solution. Comprenez-vous? Parce qu'elle va se faire revisiter. Et que ça ne coûtera rien, ce fou-là, je te le jure. Donc, obstacle égale niveau de difficulté et non pas « t'es pas bon ». C'est pas une mesure de votre force mentale là, qu'on a dans un obstacle. C'est le fait que dans un obstacle, il faut trouver une compréhension, donc une solution à une étude de l'événement. Et puis éventuellement, il faut que vous ayez une direction pour pouvoir mettre l'énergie nécessaire dans ça. Puis vous savez pas tout le temps combien d'énergie il faut mettre pour pouvoir en arriver à régler l'obstacle. Tu sais, moi, tu me dis, Daniel, tu fais ça à la cuisine? Ouais, des toasts, du guyot. Des œufs, ouais, peut-être. Tu aurais plus type omelette. Pas sûr que les œufs, là, scramble, qu'ils appellent. En tout cas. Il faut que ce soit réellement très simple, très simple. Si tu es capable de te contenter, oui, tout seul, je suis capable de le faire. Mais là, si tu me demandes à faire des sauces, puis des saumons avec un effet spécial, puis n'importe quoi, pff, là, oublie ça, j'ai besoin d'accompagnement, j'ai besoin de l'apprendre, j'ai besoin de trouver quelqu'un qui peut me dire qui le fait en même temps qu'il me le montre, puis qui va dire merci d'être passé par là. La direction, ça vient après l'étude. Vous pouvez pas arrêter une étude à juste comprendre. C'est l'affaire que je veux bien mettre en relief. Et ce que je veux mettre bien en relief, c'est qu'une direction doit tout le temps être suivie d'une étude. Mais vous pouvez pas prendre une direction si vous n'avez pas fait d'étude. Vous suivez? Parce que vous êtes des aides de la cinquième race qui vont vers le sixième. Donc, vous n'êtes pas des gens encore qui sont capables de strictement vibrer et d'agir. Ça, il n'y a pas gros dans la salle qui pourrait se permettre d'avancer, qu'eux autres, ils vibrent et ils agissent sans savoir ce qu'ils font. Bon, donc, conséquemment, vous avez un besoin égoïquement de vous donner une mesure personnelle, une sécurité dans la perspective de l'avenir, de ce que vous avez à faire. Et conséquemment, vous avez besoin de passer par l'étude de l'événement pour vous établir une solution. OK? Si vous êtes plafonné dans la lecture de l'événement. Donc, si vous n'êtes pas capable de lire l'événement, parce que ça a trop de facettes, on va dire, occultes. Tu sais, les femmes, l'homme, exemple, tu sais, vous n'êtes pas capable de lire un homme parce que vous êtes tellement en agression vis-à-vis de monsieur ou du mâle. Ben là, vous trouverez jamais de solution par le visu, là, comme ça. Vous allez tout le temps avoir une interprétation qui va être subjective. Conséquemment, vous ne serez pas capable de prendre de direction. Vous allez être encore stallé dans le fait de la solution, ben, 50 ans, là. Alors que si vous avez l'obstacle de l'échange avec le mâle, je parle pour les femmes, évidemment, l'inverse est vrai pour les hommes, mais on va parler de la femme principalement, en majorité dans ça. Bien là, à ce moment-là, cet obstacle-là va vous priver d'une possibilité d'action, donc de direction, dans le but de marier vos énergies pour avoir une différenciation des énergies qui permettent d'avoir on appelle ça un plus grand spectre d'application. Tu sais, un gars qui est capable de lever quelque chose qu'une femme ne peut pas, ben il sert au moins à ça. Puis, il peut servir à d'autres choses parce qu'il y a une lecture différente de la femme aussi. Donc, l'évolution de l'être égoïque, ça passe par une compréhension et donc une solution. Bien important de comprendre, mais c'est surtout important d'arriver dans la compréhension à une solution. Tu sais, ah, le gars, il fonctionne de même. OK, t'as compris. Esther, es-tu capable de dire, OK, on va se diriger vers le mariage des énergies? Pas sûr, ça, c'est un gros step, ça. Parce que bien, les gens vont dire, je comprends, mais moi, j'ai pas le goût de me taper ça, là, ça ne me tente pas de vivre ça. Vous me suivez? Donc, vous pouvez très bien identifier l'obstacle, ça, c'est assez facile, parce que là, tu l'as vraiment dans le visage. Tu peux pas X chose, ça, c'est l'obstacle. Bon, ça, c'est du constat de fait. Tu sais, t'es sur la route, puis t'es pas en avion. Tu vois bien que si t'as pas de route, ça lève pas, ça fait pas rien. Donc, l'obstacle, ça va être les conditions dans lesquelles tu te véhicules dans la vie. La solution, ça, c'est l'étude que tu fais de l'événement. Bon, j'ai faim, je peux pas manger. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir manger? Qu'est-ce qui se mange? Tu sais, est-ce que je peux manger du bois? Est-ce que je peux manger des racines? Est-ce que je peux manger ci ou ça? Ça, ça fait partie de votre exploration puis de votre expérience d'ego. Votre ego a besoin de se structurer. Il a besoin d'avoir une vérification, puis il a surtout besoin d'avoir une sécurité sur les conséquences. Ça, c'est l'ego. Bon, quand vous êtes sous le contact, vous vous occupez pas vraiment de la conséquence, vous suivez la commande que vous vibrez. Vous vibrez quelque chose et ce que vous vibrez devient la direction sans passer par la solution d'étude, compréhension. Vous savez? Ça, c'est la particularité des gens conscients. Ils sont capables de faire des choses sans comprendre. Et ça ne les est pas expliqué parce que la direction est plus importante. Il n'y a pas de perte d'énergie, tandis qu'il y a une perte d'énergie dans la recherche de la solution. Il y a du questionnement, puis il y a du doute qui peut s'installer, puis ça fait perdre beaucoup, beaucoup d'énergie. Fait que les forces, eux autres, quand tu vois un obstacle, ils te font vibrer devant l'obstacle, puis ils te font t'enligner dans une direction, et puis les choses se placent au fur et à mesure. Mais il faut pas qu'il y ait de doute. S'il y a pas de doute, t'as énergie maximum. Là où ça peut demander 4 personnes pour arriver à décoller l'obstacle, quelqu'un qui a sa vibration peut le faire tout seul. Vous me suivez jusque-là? Parce qu'il n'y a pas de perte d'énergie. Le doute, vous ne savez pas à quel point ça vous brûle. Puis dans le doute, ça engendre des événements qui amplifient le blocage. Ça, c'est important de comprendre. Plus vous doutez, plus l'obstacle grandit en importance, en impression que ça vous crée, et plus ça grandit aussi dans le sentiment de pas être capable. Parce que vous réfléchissez, là. Quand vous êtes dans le doute, vous avez de la réflexion. Quand vous êtes sur le contact, vous pouvez pas réfléchir, vous savez pas où vous en allez. Vous avez juste une énergie pour prendre le mouvement, tu sais. Bon, OK, c'est correct, on s'en va là, tu sais. T'as l'obstacle, tu sais, comme moi, dans le temps, les chats m'ont dit, la ville me dit, les chats, tu peux pas en avoir plus que 2. Ça, c'était l'obstacle. Je dis, hey, fuck, ça fait 75 000 $ que je mets là-dedans, là. J'ai pas le goût de perdre mon investissement, là. Non, j'accepte pas ça. Bon, ben, je déménage. Mais là, c'est bien beau de dire je déménage, mais c'est un asti d'obstacle, ça, là. Puis là, ben, tu peux pas déménager où tu veux. Pas retourner en ville. T'es en ville. Et là, c'est où je m'en vais. Tu sais, c'est, ah, le maire dit, peux-tu trouver une terre agricole? Ah, ben, regardons ça, toi. Sais-tu que, il y en a à Lassar, en Abitibi, il y en a en Gaspésie. Puis là, j'essayais de trouver ce qu'il y avait de plus proche comme terre agricole, tu sais. Puis en final, il y a quelqu'un qui me dit, voilà, ça devrait être pas pire. Puis la vibration m'a dirigé là où je m'enligne. Bon. Mais mon ego, là, ça, puis me crisser dans le lac en plein hiver à moins 30, là, c'est à peu près pareil, là. Ouhouhou! Fait que là, je m'en vais là. Tabarnak, hey, les boys, j'espère que vous êtes sûrs d'être sûrs, parce que moi, là, mais plus je doute, plus je trouve ça long, plus je trouve que ça n'a pas d'allure, puis là, à un moment donné, whoop, j'ai un petit verre d'eau là, dans le désert là, qui me fait dire, ben écoute, ce n'est pas si pire, on peut faire ça avec toi, on peut... Là, j'ai Charles que ça fait plusieurs années qui me dit qu'il devrait aller sur YouTube. Puis là, sais-tu, isolé dans ma maison, j'ai une salle exprès pour faire du cinéma, pour me filmer, pour me mettre sur YouTube. Et il y a un arbre qui bloque la connexion Internet, parce qu'apparemment, c'est avec des coupoles, là. Et t'en veux des obstacles, mon petit pit? Là, la communication, non seulement, t'as pas grand monde, tes premiers voisins sont à 1 km de chaque bord. Sais-tu que, avant d'aller demander une tasse de thé ou un petit cop de sucre, je vais m'assurer que mon char marche bien, parce que je sais pas souvent à pied pour aller faire le tour. Donc, obstacle, doute, amplification de l'obstacle, doute encore, parce que là, c'est encore plus dur, amplification du doute, tabarnak, tu vas mourir. Je sais pas si vous comprenez. Le problème dans la vie, là, c'est dans votre tête. Comment votre tête fonctionne, c'est comment c'est facile dans la vie. Mais si je voulais rendre ça facile, ultimement, c'est de pas penser. C'est de vibrer et d'agir. OK? Si vous voulez vraiment, il faut faire confiance à votre source, qui est votre seule réalité. C'est pas les entités qui sont votre réalité. Puis vous autres, faites confiance. Ben, confiance. Donc, vous êtes surtout piloté par de la psychologie basée sur une accumulation d'informations qui vient de l'astral. L'astral, c'est une grosse bibliothèque où le passé de l'humanité est inscrit dedans, puis là, c'est votre seule référence. Tandis que votre source, c'est la partie ultra-cosmique qui est immortelle, qui, elle, regarde pas en arrière, qui regarde en avant, puis qui s'occupe de vous faire vibrer du futur. Et je te dis que j'ai tout le futur devant moi, là. Peut-être que je vais me réincarner dans le désert la prochaine vie. Mais, tu sais, aller corriger des mentalités arabes, là. Tu sais jamais, là. J'espère que ce ne sera pas mon prochain mandat, parce que ça ne sera pas drôle, ouais, c'est ça. Les rendre amoureux de leurs femmes. Ça pour dire, donc, que les forces, eux autres, la seule chose qu'ils veulent devant les situations dans, on va dire, d'amélioration de votre être, donc sur ce qu'on appelle, vous autres, le plus grand obstacle de l'être humain, c'est d'évoluer. Mais évoluer, c'est bien des formes différentes, donc c'est bien des obstacles qui se présentent avec des impressions différentes. Bon, ben dans toutes ces impressions-là, ce qu'ils veulent, eux autres, c'est que vous ayez le maximum d'énergie en vous concentrant sur la direction et non pas sur la compréhension. Mais je comprends très bien qu'un égo a besoin de solutions puis de comprendre. Je comprends ça. Mais je comprends surtout que ça crée beaucoup de résistance à l'action, le temps qu'on met à comprendre. Imaginez-vous en auto, vous êtes sur un dérapage parce qu'il y a de la glace, et puis vous essayez de comprendre. Chris, vous n'avez pas ben des secondes pour corriger l'auto, là, tu sais. C'est comme, non, faut que tu sois mécaniste réflexe. Faut pas que tu cherches à comprendre, faut que tu cherches à faire quelque chose qui va corriger la situation. C'est là qu'en général, les forces sont, on va dire, les plus présentes dans votre vie. Parce que vous êtes, à la naissance, connecté avec un esprit qui va vous faire vivre à travers tous les dédales de l'âme qui s'étudient par le biais de l'astrologie. Si vous voulez vraiment comprendre votre vie, faites une étude approfondie de l'astrologie, puis vous allez connaître votre avenir, votre futur, vous allez comprendre comment ça marche la vie. Que quand vous avez une vision ou une intuition, n'importe quoi, c'est simplement une lecture psychique de quelque chose qui va se produire dans votre futur, tu sais. Mais les forces sont pas tellement occupées par votre futur, ils sont occupés par la direction qui va vous faire évoluer. Donc, qui va vous faire vous affranchir de peurs qui sont principalement les zones d'obstacles. Les obstacles engendrent la peur, engendrent le doute, engendrent une forme quelconque d'incapacité. Fait que quand vous avez ça, ben, vous êtes placé dans une situation qui est problématique. 1 heure et demie dans le trafic, ça peut être 40 kilomètres. Hein? 1 heure et demie dans le trafic. Moi, j'ai 1 heure et demie, pas de trafic. C'est pas long. Je roule tout le temps. Relax, écoute de la musique. 1 heure et demie. 1 heure et demie, vous venez ici. 1 heure et demie pour y retourner. Fin noir. Ben, fait noir dans le trafic, fait noir. S'il n'y a pas de trafic, c'est encore mieux d'être dans le noir. Parce que pas de trafic, c'est mieux. Si je suis pas capable de convertir l'obstacle du temps de 1 heure et demie de Laval Dundee à 1 heure et demie dans le trafic, par choc, tes chances de frapper 6 pouces dans le derrière de l'autre sont multipliées par 100, 200 quand t'es dans le trafic. Essaye donc de descendre la 15, toi, de Saint-Jérôme, ici, pas de trafic, tous les jours de la semaine, n'importe à quelle heure. Fait que les forces m'ont favorisé pour éliminer mes obstacles. Mais j'ai encore l'impression que c'est loin, alors que c'est juste long. Mais long dans le trafic, puis long dans la distance, si c'est le même temps, pas un problème. Mon gars, pour partir de sa maison, à lui, est dans le Vieux-Montréal, la rue des Sœurs Grises, puis il descend à Laval, puis ça y prend des fois 1 heure d'arriver à son travail. C'est la même distance. Ça use le char bien plus au niveau des breaks. Moi, j'ai quasiment pas besoin de toucher à mes breaks. Tout là. La tête, comment vous regardez? Quelle est la lecture que vous faites de l'obstacle? C'est dans la tête que les obstacles se créent et c'est dans l'événement qui se confirme. Donc, on est proche de dire que vous avez les obstacles de ce que votre tête a peur. J'ai pas peur du millage, pas d'obstacle. J'ai peur du millage, j'ai un obstacle. Vous me suivez? Votre obstacle est dans votre tête. Et s'il vient assez fixe dans votre tête, il va se produire dans la réalité. En d'autres termes, vous êtes les artisans, les créateurs de l'obstacle. Et conséquemment, les forces pour vous y dégager de cette crainte-là, ils vont vous faire vouloir des directions et des actions pour vous dégager de l'obstacle. Dans votre tête. Mais ils vont passer par la forme, ça c'est clair et net, parce que vous ne comprenez pas que c'est votre tête qui a engendré l'obstacle. Ça rentre ça un petit peu? Pour être sûr que ça se comprend, y a-t-il des questions? Mieux que ça, je vais changer le type d'abord. On a les obstacles de nos peurs. Oui, oui, oui. Oui. Chacun a différentes peurs. Donc... T'as peur de l'homme, tu te maries pas. T'as peur de quelque chose dans la famille, t'auras pas d'enfant. T'as peur de quelque chose dans ce que t'as vécu dans ton enfance, puis ça va se reproduire à multiples reprises dans les événements, au travail, dans n'importe quoi. T'en parles tout le temps, du passé, t'auras pas d'avenir. Parce que t'es dans le passé. L'important, c'est d'éclairer la mémoire, c'est d'avoir du futur. Il n'y a pas de futur dans le passé, c'est du passé. Puis ça, tu n'es pas obligé de parler à quelqu'un. Tu as juste à entretenir ça dans une marotte. Ça finit que même, ça développe un comportement. Hier, j'étais en consultation avec Alexine, puis j'expliquais que son corps, c'était l'expression de sa vie. Je dis, tel que ton corps vit, tel événement dans ta vie se produit. Fait que même votre corps devient le témoin de vos obstacles. Et de vous faciliter aussi. J'ai mal à la jambe gauche. Qu'est-ce que je vis de ce temps-là? Qu'est-ce qui est le plus gros sujet de ma vie? Les jambes, c'est la projection. J'ai une faiblesse dans la jambe gauche. C'est nouveau depuis le temps des coyotes, là, l'année passée. Mais quand je me suis fait mal dans le bois, là, c'est comme ma jambe gauche a commencé à avoir des problèmes. Mais là, c'est comme j'étais réellement écœuré des coyotes. J'en pouvais plus, là. C'était un obstacle, c'était trop récurrent, là. C'est 9 ans de temps sans arrêt, du coyote, du loup, du pécan. Là, cette année, c'était des renards. Hey, là, wow, c'est assez, là. Capable de les tuer tout seul, moi, là. Pour moi, d'avoir un coyote, venez m'aider, là. Quel problème? J'ai dit, j'ai un problème dans la jambe gauche, donc j'ai un problème dans mes vies, qui est au niveau de la jambe gauche et la projection dans l'ordre des émotions. Fait qu'au niveau émotionnel, je suis batté, ça tombe dans ma jambe gauche, parce que c'est avec la jambe que tu projettes. La droite, c'est pour le mental. Ta projection mentale est dans la jambe droite. Ta jambe plus faible à gauche, mais ça veut dire qu'il faut que tu restes mental tout le temps. Mais là, c'est vrai que je suis mental, mais là, c'est au déficit de ma structure affective. Fait que j'ai ça dans la jambe gauche. Puis quand je vais avoir replacé ma jambe gauche, ben je vais replacer ma projection affective. On va peut-être creuser les petites filles, je sais pas. Peut-être plutôt que creuser les chats. Okay. C'est aussi occulte que ça, mais c'est aussi réel que ça. Vous êtes à l'origine de la création de vos obstacles, ou on va dire ça d'une autre façon, les forces vous donnent plein d'indicateurs concrets, matériels, physiques, que vous ne savez pas lire, évidemment, parce que vous n'avez pas le mental assez occulte, et puis là, vous créez des obstacles. Je regarde toutes sortes de maladies, puis je suis capable de comprendre le comportement psychologique qui fait que tu es malade de telle ou telle chose. Je peux même être capable de lire qu'une personne est malade d'être en contact avec d'autres gens qui ont un problème psychologique qu'eux autres absorbent, et puis que ça devient eux autres qui ont le facteur vital le plus important. Intéressant et important, dans le sens qu'ils sont capables de se guérir de ça, qui deviennent les médecins, ces gens-là, sans le savoir. J'avais vu une personne qui faisait des massages, puis j'avais reçu un bicycle à gaz dans le dos, en compétition, en pratique de compétition, puis ça me faisait mal depuis un bon 7-8 ans. Puis elle m'avait dit, je me faisais masser les épaules, le dos, puis je disais tout le temps, je dis, moi j'ai mal dans le coccyx, c'est chronique à cause j'ai reçu une moto. Elle dit ça, je peux pas t'aider parce qu'elle dit j'ai eu un enfant, puis ça m'a déplacé des vertèbres dans le bas du dos. Elle dit je peux pas parce qu'elle dit je vais souffrir l'enfer si je te masse dans ces coins-là, parce que je vais capter ton mal. Elle dit il faudrait que tu aies quelqu'un qui te masse, c'est un homme préférable de façon préférablement, qui lui a pas mal dans le dos, puis il va te régler ça. Là, c'est là que j'ai rencontré Pierre Delca, lui a pas mal dans le dos. Chris, deux séances, ça a été réglé, 12 ans de souffrance. Non, mais c'est pas juste ce qui est bon, c'est que c'était le thérapeute qui avait pas mal dans le dos, pour moi. La fille, elle a probablement été capable de le faire, elle était très bonne massothérapeute, mais elle était consciente des échanges d'énergie, puis qu'elle pouvait pas traiter n'importe quoi. OK. Si vous pouvez dire que votre proximité avec des gens qui sont dérangés ou en déséquilibre peut vous affecter physiquement. Ça peut faire partie de l'équation de l'obstacle, ça. Comme au même titre, moi, il y a bien des gens qui viennent me voir et disent « C'est drôle, j'ai plus de questions. » Oui, t'as plus de questions parce que moi, je pense pas bien, bien. Puis, à mon contact, ça te coupe l'influence ou l'importance que tu donnes à ta pensée. Puis, je deviens comme un corps à vidange pour toi parce que tu chipes toutes tes formes qui sont désuètes et puis tu files bien après. Pourquoi? Parce que t'es libéré de tes vidanges, tu sais. Moi, j'ai une vidange. Non. Une autre question, allez-y. Mais plus de questions. Mais, les obstacles sont créés par le fort. Les obstacles, ils sont créés par notre mental ou ils sont créés par. Quand tu bloques, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne peut pas se faire. Donc, il y a une recherche de ta part d'une solution. OK? Toi, tu as un gros obstacle avec la patente de la prise en charge. OK? Fait qu'ils vont te créer une situation où tu vas être obligé d'être pris en charge ou crever. Fait qu'il t'est arrivé un accident dernièrement pour t'obliger à vivre une impuissance totale pour que tu aies la mesure de ceux qui sont capables de t'aider. Pour te faire voir que personne ne peut t'aider. Et que là, si tu balayes pas la prise en charge de ta vie, de toutes les façons possibles, tu vas crever. Parce que là, tu n'auras plus d'énergie pour passer à travers l'obstacle. Fait que l'obstacle, ça se traverse à plusieurs, avec consentement et avantage mutuel. OK? Faut que tu comprennes vraiment tout ce que je dis, là. Ou ça se passe pas à travers parce qu'il n'y a personne qui veut participer à l'expérience. OK? Combien de temps qu'on a le goût d'aider quelqu'un qui est en déficience? Où est-ce qu'une personne peut dire « Ouais, moi, j'ai le goût de l'aider là, pendant 2 ans. » Tu es capable de donner une réponse à ça? Ben, jusqu'à temps que la personne elle trouve son compte. Et voilà, trouve son compte. Donc, il faut qu'il y ait échange et avantage. Pas d'échange, pas d'avantage. C'est très court. Très, très court. C'est pour un balayage des petits nuages spirituels dans la vie, là, de se sentir coupable de ne pas aider l'autre. Ben, tu regardes ce que tu peux offrir. Ou ce que la vie ou l'événement peut offrir. Il n'y a pas toujours l'argent. Il n'y a pas juste l'argent, mais il faut qu'il y ait une valeur. Moi, les gens viennent m'aider, je leur donne une valeur monétaire. Je dis, ben écoute, tu peux venir, moi, les services que j'ai en consultation, je peux t'en donner pour tant d'heures, en échange de tant d'heures que tu viens chez nous. Si tu n'es pas capable de mettre une valeur d'échange, est-ce que c'est parce que tu n'es pas capable de mettre une valeur d'échange, c'est parce que tu ne trouves pas ta valeur d'échange? C'est parce que tu n'en as pas. Tu peux ne pas avoir de valeur d'échange. Moi, je t'accorde au niveau financier, là, c'est hyper débile. Si je ne suis pas capable de donner en échange le service que moi je rends, qui est des conférences, des consultations, je suis fait à l'os. Fait à l'os, à l'os, à l'os. Il faut que tu aies quelque chose à mettre en échange. Il n'y a rien de sentimental et spirituel qui fait du chemin dans la vie. Là. Rien. Rien, rien, rien, rien. Mon gars, il dit, ouais, moi, descendre chez vous pour aller visiter les douanes avec toi. Il dit, arrange-toi avec ton passeport, puis on ira voir au Fort Covington, là, qui est tout de suite après les douanes. Lui, il regarde son intérêt. Il ne regarde pas que c'est son père qui va l'aider. C'est encore là. C'est quoi s'il l'aider? Il a trop été capable de régler ses affaires. Puis tant mieux. Tu sais, ça va être un petit vieux qui va mourir drette là. Puis j'aurais pas besoin d'aller faire autre chose que de le faire incinérer. Tu sais, je sais pas. Je sais même pas comment ils pensent. Mais vous autres, vous misez tout le temps sur le sentiment, sur sacrement. Tu veux avoir mon opinion? Oui. Tu la connais, mon opinion? On l'a parlé pendant quasiment 5 ans. Tu dois connaître mon opinion. Oui. Quand est-ce qu'un gars aime sa femme? Quand il fait son affaire. L'affaire d'un gars, fait qu'une femme, c'est quoi son affaire? C'est quand il y a autorité sur la femme. S'il n'y a pas autorité sur la femme, oh, Chris, va te faire baiser ailleurs. C'est simple à comprendre, hein? Révèle comme t'es, les chances que t'as de te marier sont de 0%. Pas mal de bon chiffre. Puis là, quand t'es dans la misère, ben là, t'es mariable. C'est con, hein? Mais tu y kicks dans le visage une fois que tu t'es bâti. Hop, un petit divorce à l'horizon. Les règles sont tellement simples. Tellement simples. Toutes les personnes qui ne veulent pas jouer le jeu, comme moi, je ne voulais pas jouer le jeu du deux chats à Saint-Colomban. Ah ouais, déménagement, mon gros. Chris, c'est pour le maire, c'est quasiment me punir. C'est pas lui qui m'a puni. C'est moi qui n'ai pas accepté de jouer le jeu des deux chats. Je suis pas mariable avec Saint-Colomban. Oui, ça revient comme... C'est pas mariable avec Saint-Colomban, c'est comme... Les deux parties, tu vois, ils consentent. Tire leur avantage. Je vais essayer de leur donner de l'avantage. Je sais pas, je peux donner des cours gratis aux autres chargés 10$, 15$. Je vais donner un cours d'astrologie. Non, c'était deux chats fixe. Hein, j'ai dit, Chris, ça, c'est le genre de gars là, qu'il va avoir ses toasts aux confitures avec du beurre de peanut en dessous, puis s'il fait pas ça, il divorce. OK. Correct. On va divorcer. La vie, là, c'est une profonde négociation avec des réalités qui changent d'une année à l'autre, d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre. C'est culturel. Regarde la façon dont les femmes sont traitées dans les pays arabes, puis ils veulent installer ça ici. Hey, wow, mais là, t'as pas compris, bonhomme. Tu vas te faire kicker en quelque part, là. Tu vas te marier, tu vas tomber en amour avec une Québécoise, puis mon homme, tu vas faire le séminaire de ta vie, là. Tu sais? La solution est dans l'étude de l'événement, mais le qu'est-ce qui va se passer, c'est dans le qu'est-ce que les forces t'envoient comme vibration pour te faire vouloir vivre quelque chose. Le vouloir vivre quelque chose, là, c'est toute la clé à une problématique. T'aimais pas ça, le ménage. Mais si tu le ménage, s'il te fait manger, peut-être que là, ça peut aller mieux. Mais il n'y a rien comme perdre quelque chose pour savoir qu'est-ce qu'on a besoin. Parce que dans la perte de quelque chose qui t'a été placé dans ta vie, tu sens que ça répondait à l'élimination d'un obstacle. Calinette a fait du ménage une affaire très gros. Il doit brasser facile 1 milliard par année, eux autres. Et c'est du ménage. Fait qu'il n'y a pas de saut métier. Mais il y a une lecture qu'on peut dire, ben, je suis juste une femme de ménage. Ça, c'est ta tête, ça, qui fait ça. Là. Qui fait que c'est petit, c'est ta tête. Moi, économiquement, c'est stupide de ne pas avoir été dans la finance ou dans un travail connexe à ça. Mais moi, j'ai été heureux pendant 40 ans à faire ce que je fais, que j'aimais faire. Est-ce que ça vaut de l'argent? Ça vaut beaucoup d'argent. Ça vaut des milliards, ça, là. Je suis riche d'être heureux, de faire un job que j'aime, que j'ai le feu. J'ai 65 ans, Chris, puis autant de feu que quand j'avais 20 ans. Sacrement! Qu'est-ce que tu vas avoir de plus? Fait que si tu me dis, moi, as-tu une valeur d'échange? Un état. Moi, je prends n'importe quoi, puis je peux développer n'importe quoi. D'abord, je me présente comme un... Là, ça commence à... Tu sais, tout le monde, c'est qui le gars qui est là, là, tu sais? Puis là, Steven, il se fait achaler. Là, c'est rendu que son oncle savait que je faisais de la bourse, que j'avais plein des chats, que je vendais de la bouffe à chats et à chiens, que je pouvais armulier, ouais, c'est ça. Là, j'ai juste à pas dire un mot pour les prochains 6 mois, Puis Chris, moi, être le gars qu'il faut rencontrer, mystérieux, qui vit caché. Il y en a qui vont me dire, tu cherches combien pour montrer à la bourse? Bon, ça, c'est si t'es capable. Si t'es capable, c'est 80$ de l'heure. C'est pas cher. Pour tout l'argent que tu peux faire, mais ça se peut que tu sois pas capable de le faire. Alors là, si tu veux te mettre à défi, on va te commencer avec un portefeuille fictif, puis prends ton temps, mon grand, parce que ça coûte cher quand tu vas rentrer dans le réel. Capable de donner des cours pendant 6 mois, moi, là. Là, tout ce qu'il me faut, c'est un grand écran dans ma salle de cours en haut, là. T'as pas vu, toi? Tu l'as vu, ma salle de cours en haut? T'as pas vu? Ah ben. En tout cas, avec un grand écran, les cotes là-dessus, un écran de 60 pouces, là, ça va être drôle. Puis là, tu sais, ça crée de l'impression, là. C'est pour les cultivateurs, là. Wow! Puis là, ils voient mon portefeuille fictif, 142 000. Wow! Puis là, tu sors la feuille, là, commence avec 50 000. Wow! En combien de temps? 16 avril 2015. Oh, Chris, on est au mois de mars. T'es rendu à 140 000. Mais ben, puis payant que Bombardier, ça. Comment ça veut dire? C'est des jeux d'impression qui justifient un échange, qui justifient de comment tu fais ça, comment tu vis ça, comment ta-ta-ta-ta-ta-ta. Puis là, tu sais, je veux dire, le meilleur trade, mon homme, c'est quand tu penses pas. Ah, oh, ouais, comment on fait pour pas penser? Ça y est, je viens d'épluguer. Il y en a au 10 ans. il s'occupe plus de ses bœufs, puis de son corn, puis... En tout cas... Question. J'arrive pas, hein? C'est un obstacle pour vous autres de poser des questions affrontées. Allez-y, sa vibration. Oh. Est-ce qu'on peut dire que quand on est dans une direction et qu'il n'y a plus d'obstacles, c'est que c'est la bonne direction? Oui. Ben oui, parce que souvent, j'ai dit, quand c'est les forces qui vous mènent, c'est supposé être facile. Tout tombe. Tout tombe. Tu sais, toutes tes affaires, ça se fait. Ça se fait tout le temps, tout le temps. Quand ça se fait pas, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ta tête qui doute. Tu installes un doute dans la direction que tu prends. M'inquiète, puis je m'inquiète pas, moi. C'est comme, mon ego a tendance à s'inquiéter, mais la certitude que j'ai... Ça, j'ai expliqué à Gilles, parce que les gens, ils viennent m'aider là-bas, mais ils ont un séminaire aller-retour, hein, fait que c'est 4 heures de consultation gratis, privée, intense, avec des temps de pause où j'offre à l'autre de fumer, d'allumer la radio, de, tu sais, ta-ta-ta. Et puis, je disais à Gilles, c'était plus intéressant que les autres qui venaient, parce que les autres, ils racontaient leur passé. Gilles, il racontait rien, c'était un secret. Mais il est bien intéressé par les faits, là, tu sais. Puis, il me posait la question, il dit, quand est-ce que ça a commencé, l'affaire du contact, clair, puis vraiment, là, dans l'action, là, tu sais, lui, c'est un gars d'action, tu sais, c'est de l'action. Frigidaire, on l'amène comme ça, bang, il prend le bras, tu sais, il est fort, tabarnak, je voudrais pas me battre avec ça. Puis, j'ai dit, moi, ça a commencé quand j'ai commencé à avoir peur de pas suivre le contact. Parce que j'avais de l'info, je le faisais pas, je m'ostinais, puis je me faisais planter dans une expérience qui était assez... Puis là, à un moment donné, j'ai dit, Chris, quand tu vas me parler, tabarnak, je vais le faire comme il me le dit, esti, parce que j'ai pas le goût de me faire clencher. Puis là, boum, ça allait bien, ça allait bien. Puis là, j'avais peur, puis aujourd'hui, je pourrais dire, j'ai plus peur d'eux autres, parce que j'ai la certitude qu'ils... Mais certitude, c'est rachant pareil. Oui, c'est vrai, je suis sûr, mais mon ego il trouve too much tout le temps. Là. C'est tout. Tu sais, comme l'affaire de Dundee, là, c'est vraiment too much. Puis, mais je lui fais confiance. Tu sais, je lui fais confiance dans le sens que Chris, je sais pas qu'est-ce que c'est ce test-là, là, mais il est gros en temps. Tu sais, puis, ouais, on y va, là, tu sais. Puis j'ai peur de pas le faire. J'aurais peur de vouloir me boquer contre ça, dire « Non, asti, je reviens. » Tu sais, au mois de juin, je ferme mon bail, là, puis je retourne. Là, je sais que ça fera mal en crisse. Là. Vous autres, vous n'êtes pas rendus à avoir cette peur-là, la peur de Dieu. Là, tu sais, là. On avait ça dans le petit catchis, là, la peur de Dieu. Là. Des fois, ils disent « On a peur du diable », mais le diable a l'air plus le fun que Dieu. Là. Tu sais, Dieu, il... Ça a commencé là, moi. Mais là, aujourd'hui, je l'ai plus. Ben, j'y vais à l'aveuglette. Puis, advienne que pourra. Ben, ça commence là. Vous autres, vous avez une tendance à négocier. Là. C'est fais confiance totalement à ton doute, tu sais qu'il ne t'épargnera pas si tu bookes. Fait que c'est mieux de ne pas booker. Oui, mais vous ne savez pas comme moi je peux le savoir. Si vous. Tu sais, ouais, c'est ça. Bucky, là. Est-ce que les forces vont aussi aller dans ton sens parce que toi, tu dis pas deux choses. Fait qu'il se dit, le gars, il dit, ça va dans le sens à Daniel. C'est-tu aussi, ça peut-tu être aussi une initiation que tu vas vivre, là? Ça se peut. Ça se peut. Peut-être que je vais me ramasser avec 100 chats à la fin de l'année. Ça se peut. Mais il y a une chose que je suis sûr. Je suis sûr que sans chat, je n'en aurais pas. C'est pourquoi? C'est trop cher. J'ai un budget maximum. Moi, il faut que j'aille des chats puis rester à 400$ par mois. Pour ne pas dépasser ça. Fait que il y a comme. Les forces vont m'arranger ça pour que ça soit viable. Mais si c'est pas viable, ils vont me créer une autre condition. Ils vont m'envoyer des renards, des loups, des n'importe quoi. Oui, vas-y. L'obstacle dans ton cas, c'était la loi et le fait qu'on est venu te dire que c'était que deux chats. Mm-hmm. Mais c'est pas ça vient pas de ton mental que tu as créé cet obstacle-là. Oui. Oui, c'est marginal. Je suis marginal. Ma marginalité a engendré un conflit de règlement. Et alors, les forces sont intervenues au niveau de. Ils m'ont donné une solution. Ouais. Ils donnent toujours une solution? Toujours. Okay. Ça dépend de ta tête. Ça dépend de ton sens, pas dans ton sens. Ça dépend de ta tête. C'est toujours ta tête. Tu sais, c'est. Moi, il y a n'importe qui m'arrive en consultation, j'ai toujours des réponses. Toujours, toujours, toujours. Puis j'ai toujours la bonne réponse qui va avec la vie que tu peux vivre. Tu sais, tu vas me dire. Je suis malade, j'ai ci, j'ai ça. Je vais étudier ta maladie, puis dans ton obstacle vis-à-vis de la santé, je vais te dire, check ça, là. C'est comme ma jambe gauche, là, c'est un problème de projection sur le plan émotionnel. Puis c'est vrai que je suis pas trop, trop sentimental, franchement. Puis peut-être qu'avec la guitare, ça va se régler. Parce que là, peut-être, ça va dépendre. Je suis trop... Je suis trop mental pour l'ensemble des gens que je rencontre. C'est vraiment trop mental. Puis je sais pas vraiment là, comment ça va se placer, mais c'est ça. Mais je m'inquiète pas. Tu sais, je veux dire, j'ai identifié que j'ai un problème sur la jambe gauche, ma jambe droite est pas si pire. Puis en y expliquant à elle des affaires, j'ai trouvé la lecture nécessaire pour comprendre pourquoi j'ai mal dans la jambe gauche. Ton obstacle de genou, c'est quelle jambe? Gauche. Yeah, depuis ce temps-là, tu as des problèmes à penser mariage, puis couple, ces affaires-là. Puis le genou, c'est la permanence. Tu n'as pas de problème à rencontrer, tu as des problèmes à garder, à être permanent. Je te l'avais dit, hein, je suis sûr que son genou, c'est la jambe gauche. Ouais. Et voilà. Le corps, c'est votre carte du ciel. Votre corps, c'est votre carte du ciel. Tu vois, c'est en astrologie, là. Mais là, quand tu sais ça, comme tu dis... Là, tu vas savoir, c'est quoi la recette? Hein? Non. Ben, je peux comprendre qu'est-ce que je peux faire pour le balancer aussi. Ben, c'est ça, c'est demander une recette. Hein? T'aimes pas ça, la non-recette? Ben, je dis, ça change quand même. Tu me demandes quand même une recette. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est la recette pour ton genou? Et voilà. Donc, tu n'as pas besoin de te faire dire la recette. Tu fais ce qu'il faut faire. Ça donne une force à ta jambe. Ce qui te fait garder espoir de te trouver un bonhomme. Moi, je t'avais dit, j'étais un gars comme David, là, tu sais, qui te faudrait. Puis bizarrement, dans la même semaine, il te téléphone, puis il dit qu'il écrit un livre. T'es un gars, c'est-tu qui était dans les moteurs, puis dans la mécanique, le kit. Il écrit un livre. Wow! Puis là, tu dis, ah, j'ai vibré pour, puis c'est le bon gars, puis tu le quittes. Continue de marcher. Non, mais tu comprends ça, la game. Ouais, c'est ça. Je ne le voyais pas comme ça, par exemple. Les jambes, c'est la projection. Le verso, c'est quoi? C'est le futur. Fait que c'est ta lecture du futur dans la vie avec un homme qui est ton problème. Ouais. C'est pas le présent. Le présent, tu vas le manger tout rond. Mais c'est peut-être pas ça qui... Ça, peut-être que le gars, il dit non à Claire parce que Claire, il voit pas comment il peut vivre le futur avec Claire. Tu sais? Fait qu'il y a peut-être un changement de comportement qu'il faut qu'il soit fait par rapport à ta façon de te projeter dans l'affectif. Sûrement. On pourrait regarder ça en privé. Ouais. Ça, c'est drôle à étudier là, comme ça, comme pitch, là, mais... Non, mais je sais, il y a plein de choses que les gens ne regardent pas d'une certaine façon parce qu'ils n'ont pas été... vous n'avez pas l'habitude de parler occulte. Puis vous êtes dans la grosse forme crasse qui vous garde dans des perceptions à caractère psychologique. Quand vous êtes sur le contact, ils peuvent vous expliquer les bébelles, là, que wow, tu dis... tu sais, moi, j'arrive ici, puis j'ai pas d'idée de qu'est-ce que je vais parler, puis ça parle une heure de temps. Bon, ben, il a fallu que je me laisse aller en quelque part, là, tu sais. C'est ça. Mais si vous prenez pas de risque, dans le sens psychologique du terme, vous n'aurez jamais contact avec votre source. Vous allez l'entendre parler, mais vous ne serez pas capable de vous parler, parce que c'est vous autres qui vous parlent là-dedans. Là. Contact, là, c'est pas de la médiumnité, là. Un médium, ça y parle, parce que c'est des entités dans l'astral, mais un individu qui est sur le contact, il est en contact avec sa source, c'est lui qui parle à l'ego. C'est pas une entité qui y parle. Fait, vous faites rire, vous autres, quand tu dis « eux autres », pas « eux autres », c'est toi qui te parle. On est supposé arriver aux mêmes conclusions. Mais avec des ressources différentes. Question? Je reviens au niveau de l'obstacle. Par exemple, la cour des petites créances, on me demande d'aller en cours de petites créances pour Un litige. Pour un litige avec... c'est quoi la question? La question est suivante, c'est que il y a plusieurs fois, j'ai entendu des problèmes de vice caché que mon frère a eu. Et quand j'ai eu une maison, je me disais toujours « check ben tout » pour ne pas avoir un truc de vice caché. C'est quoi la question? Est-ce que c'est la peur du vice caché qui m'a amené d'en avoir un? Oui. C'est ça. Oui, hein? Oui, parce que tout a énormément peur de perdre. Fait que le vice caché, je ne veux pas dire que ça se résout pas facilement. Non, c'est juste que ta peur de perdre crée le problème. Mais ça au pire, ça va te coûter combien? Non, c'était ça. Mais ça au pire, ça va te coûter combien? 10 000. 10 000. Moi, c'est un gros obstacle. Toi, c'est pas un si gros obstacle. Fait que le pire n'est pas grave, puis tu as peur du pire. Puis ça peut être moitié de ça. Oui. Fait que ta peur est totalement imaginaire. Tu vas t'acheter une auto, tu vas perdre ça en 2 ans, 10 000 de dépréciation. Tout est relatif. Tout dans la vie est relatif. Par exemple, tu achètes une voiture, belle voiture, tu as peur de la scratcher, tu vas avoir ce genre Ou tu vas avoir une scratch. C'est ça. C'est relativer le problème. Mettez ça relatif dans votre tête. Vous allez voir que la vie n'est pas si dure à prendre que ça. Mais tu n'es pas toujours conscient des peurs que tu as, par exemple. Hein? Exact. C'est pour ça qu'il te les présente. Il te présente une peur parce qu'il y a une peur que tu ne sais pas que tu as. Puis à un moment donné, ils disent, bon, ben là, c'est le temps de montrer cette peur-là. Que tu aies une mesure de tes solutions, que tu aies une mesure de ta lecture. Il y a beaucoup de vous autres qui ne savent pas lire la vie, fait que là, vous m'arrivez, vous me présentez votre peur, puis moi, je vous dis, ben, regarde, comment là, j'y explique. C'est très relatif, 10 000. 10 000. Ça dépend pour qui, 10 000. 10 000 pour Jeannette, c'est la fin du monde. 10 000 pour elle, c'est pas la fin du monde. Tout est relatif. Donc, c'est pas l'événement comme tel, c'est le qu'est-ce que l'événement te fait vivre qui est important. Je l'ai dit, tout se passe ici. La vie, là, c'est en 3 pouces cubes de cerveau. Ouais. Mais une peur, c'est ça. C'est comme une fois, à un moment donné, je me souviens, je voyageais avec un agent de voyage. Je ne comprenais pas qu'elle pouvait avoir aussi peur des avions que ça. Si, elle venait trois shots avant de partir, elle tremblait de main. Mais c'était dans sa tête, là. Mmh. Tu sais, c'était... Et comment se fait-il que si t'en as 20 comme ça dans l'avion, ça, ça peut arriver. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est ça. Mais ce qui veut dire aussi que dans les relations amoureuses... Hey, s'il vous plaît. Admettons une relation amoureuse où on a vécu quelque chose de choquant. Là, ça s'est terminé, cette relation-là. Si on n'a pas comme réglé ce choquant-là, il y a des fortes chances qu'on vive en qu'on le répète, oui. Ouais. Ouais. Ça, tout le monde le sait, ça, intuitivement. Tout le monde le sait. De là, l'importance de ne pas avoir de mémoire. Parce que là, tu es flambant neuf. Tu as eu... moi, j'ai eu une expérience qu'on pourrait qualifier de traumatisante là, dans le couple. Puis, je disais à un moment donné, « Ouais, ben, peut-être on n'est pas capable de vivre en couple, mais on peut être bons amis. » Puis bons amis, ça se fait. C'est tout. Mais si vous n'êtes pas capable de relativer parce que vous êtes stallé sur la perception formelle, puis que vous n'êtes pas capable de briser la forme, vous n'êtes pas capable de vous dégager de la forme, tabarnak, vous allez vivre des petites vies, hostie, ça va être hyper débile. Des vraiment des petites vies, parce que le passé vous garde dans une immobilisme écœurant, là. Et la vie, c'est en avant, là. C'est pas en arrière, la vie. La vie, c'est tout ce qui est nouveau que tu connais pas puis que tu vas explorer. La vie, c'est de l'exploration constante d'expansion ou de développement quelconque. Faut que tu fasses confiance à de l'intelligence, pas au fait que t'es intelligent. Parce que quand tu bloques sur le passé, t'es pas intelligent. L'intelligence, ça vient d'ailleurs. Ça vient de ta source, pas de ton ego puis de ta mémoire. On t'a clairé des petites affaires dans la mémoire, là, dans le char, puis ta chatte allait mieux le lendemain. Mais si t'entretiens toujours la tabernacle de mémoire, parce que Ménard n'est pas là, pour t'engueuler comme du poisson pourri, mais Chris, le chat, il va tomber vraiment malade, puis il va crever. Mais là, je t'ai trouvé un remplaçant. C'est pour ça que tu dis tantôt que même si des gens, tu leur dis qu'est-ce qu'il y a à faire, puis ils ne peuvent pas le faire, C'est parce qu'ils peuvent pas le penser autrement. C'est leur pensée qui bloque vis-à-vis de l'affirmation que j'ai. Puis ils veulent, le problème que j'ai avec le monde, c'est qu'ils veulent avoir raison parce que j'ai pas une impression publique. Tu sais, Bernard, il impressionnait publiquement. Moi, je n'impressionne pas, je suis sur le terrain des vaches. Fait que j'ai l'air d'être égal, hein? Puis qu'est-ce qu'on est? On est évalué sur quoi dans la vie? On est évalué sur le sex appeal qu'on a, l'argent qu'on a, et puis l'impact qu'on a dans un ensemble de gens. Fait que si j'ai pas beaucoup de gens sur lesquels j'ai un impact, si je suis pas riche, puis je suis pas particulièrement beau, la personne a une perception assez occulte. Que c'est pas évident. Que moi, avoir du crédit. C'est difficile parce que les gens, a priori, ils cherchent à m'en enlever. A priori. J'ai rencontré du monde dans ma vie, moi, là. Pas à peu près. Là. Mais avoir du crédit, c'est très difficile. Très difficile. C'est un secteur où les gens peuvent pas me challenger, ils peuvent pas m'ostiner. Il faut qu'ils soient intelligents, ils n'ont pas le choix. Si quelqu'un n'est pas intelligent, là, je suis pas gobable, moi, là. Puis je suis pas englobable non plus. Puis, tu sais, là, n'importe qui va dire, ben moi, tabarnak, je paye mes comptes, calice, lui, il compte pas, il paye pas, ou il tout cas, blablabla. Puis là, ben, hey, s'il doit pas être bien si intelligent que ça, là, tu sais, il s'en va vivre dans un milieu de cultivateur, c'est peut-être à son niveau, ça, le calice. Tu sais, t'es pris avec des perceptions, là, qui sont très, très faillantes. Là. Très, très faillantes. C'est ça, c'est la vie. Une autre question pour 10 minutes, là. Avez-vous? Ça a qu'on a intérêt à trouver notre direction, là? Non, pas ce qu'on parle. Direction. C'est pas pareil. Non. Direction, c'est pas parce que tu vas aller à Québec que ta vie est réglée. Non. C'est pas une distance, c'est pas. Tu sais, la direction du besoin. T'as un besoin, c'est où tu vas. La direction, c'est le qu'est-ce que tu fais pour répondre à ton besoin? Moi, là-bas, j'ai plus de restaurant. Là. Hé, tabarnak, ça s'appelle, tu vas manger des sandwichs, cul, là. Besoin d'aimer ça. Tu sais. Mais là, comment je réponds à mes besoins, là, tu sais, ça peut être drôle. Check-moi bien aller, tu vois ça. Là. Peut-être me mettre à faire la cuisine pour dire, les fins de semaine, ceux qui viennent, c'est 100$. Vous avez le déjeuner, parce qu'on commence par les déjeuners, hein. Et puis, peut-être les dîners, peut-être les soupers. Puis, 100$, puis vous avez le droit de dormir ici. Mais soyez pas trop, parce que c'est un dortoir. Tu sais, je sais pas, j'ai aucune crise d'idée d'où ça s'enligne. Mais il va falloir que je règle le problème de la bouffe, là. Tu sais, c'est gros pour moi, ça. Énorme. Tu sais. Parce que là, tu sais, manger des tourtières, c'est... Non, non, c'est correct. C'est correct que t'en fasses plus. Okay. Ben, je t'ai rendu que je faisais des frisbees avec les assiettes en aluminium. Mais ben, c'est ça. Si vous avez des besoins, vous avez une étude de la situation, donc une étude de l'événement. Moi, j'applique beaucoup pour vous autres à l'étude de l'événement pour assouplir votre ego à l'occulte. Vous avez des égos rigides au niveau de la psychologie, puis pour assouplir ça, pour avoir une vision plus occulte de la vie, faut vraiment assouplir l'ego. Fait que c'est pour ça que je vous dis tout le temps, c'est important de lire l'événement. Il faut que l'événement soit votre principal point d'intérêt, plutôt que de vous tremper dans la connaissance, puis de radoter des hosties de patentes de culture, puis de qui servent absolument pas à votre vie pour régler votre vie. Tu sais, que tu me parles de... Que tu sois une spécialiste de la différence entre les chiites et les sunnites pour les arabes, Chris, ça te fera pas travailler pour autant, ça, calice. Il faut que tu cherches un job. T'as pas besoin d'entendre parler de ça, là. Puis si tu te laisses bombarder par quelqu'un qui va te parler de culture quand toi, t'as besoin de manger, tu perds ton temps, sacrément, là. Fait que moi, j'aime mieux que la personne, elle regarde, bon, ben, c'est quoi le message? Y en a-tu un message où ça sert le coup de parler, tu sais? Il y a tellement d'affaires que vous parlez qui est inutile dans votre vie. Vous ramenez à l'essentiel, c'est commencer à comprendre l'événement de votre vie. Dans quel hostie d'événement que vous êtes mêlé? Il y a une raison dans cette affaire-là. Donc, non, le monde ici, c'est tout périphérique, elle a eu besoin, puis ça tourne autour, c'est bien occulté, il y a une demande de présence, mais ils savent pas quoi parler, puis ils sont pas présents plus qu'il faut à l'autre. Elle me parlait hier, puis elle était tout le temps regardée à côté, comme tu fais, là. Là, je mettais ma main là, puis je dis, qu'est-ce que tu vois? Puis là, je dis, check, suis ma main. OK, là, tu me regardes dans les yeux. C'est Christ, la maladie de Claire, ça. Tu vois, dès que ça touche dans le secteur émotif, là, tu sais. Non, il y avait un égard. OK, c'est tout, la regarder ailleurs. Bon, ramène l'attention. Il n'y a pas de présence. C'est pas la présence quand la personne la regarde là, là. Non, mais je vous explique. Moi, c'est toutes des petites affaires qui sont importantes pour moi. Je me dis, Chris, tu parles à quelqu'un, tabarnak, puis il est là. Elle ramène-le ici. Puis là, oups, il est plus capable de regarder ce qu'il y a en arrière. Là. Il est obligé de te regarder. Là. Il regarde l'arbre, pas la forêt, sacrément. Okay. Toi, tu penses que c'est émotionnel habituellement? Ben oui, c'est émotionnel. Quand tu as des sujets émotionnels, les gens regardent ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une carence, Chris. Pas compliqué. Moi, quand je regarde quelqu'un, puis pas je le fixe, là, mais j'y regarde dans les yeux, je cherche pas à marier, moi, là. Je cherche pas à vouloir faire des amis. Je regarde simplement parce que je donne une attention à un individu dans ce qu'il parle, dans ce qu'il dit, puis dans ce qu'il vibre, calice. Parce que moi, je suis pas intéressé à ce qu'il dit. Je suis intéressé à ce qu'il vibre. Qu'est-ce qu'il vibre? Jusqu'où il est capable de vibrer telle ou telle affaire? Parce que les solutions dans sa vie, c'est dans sa vibration. Ce que tu vibres, tabarnak, c'est ta puissance. Tu sais, on me parler des sujets, j'aimerais ça, ta-da-da-da-da-da. Puis Chris, tu regardes d'ailleurs tout le temps. Tabarnak, tu disperses tout le temps. Ça veut dire que tu te concentres pas sur ce que tu fais.